Très bon début de soirée sur Fadjet, il est 17h. Une fois par mois, de 17h à 17h30, calez votre transistor sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence pour écouter un coup d'œil dans le rétro. Bonjour à tous, vous êtes sur Fadjet 94.2. Bienvenue dans notre émission Un coup d'œil dans le rétro. Une fois par mois, nous décryptons toute l'actualité du rétro qui fait son grand retour depuis plusieurs années. On vous informe sur les tendances musicales, la mode, la déco, mais aussi les loisirs, les sorties au niveau local et national. En somme, une émission où on vous parle du passé au présent. Alors ma partenaire de jeu habituelle, c'est Anna. Bonjour à toi Naïk, comment tu vas ? Je vais bien, bonjour à tous et puis bonne année. Bah oui, il faut le dire. On a encore quand même tout le mois de janvier pour souhaiter une bonne année aux auditeurs. C'est les mamies qui nous le disent, hein, ça. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Mais moi aussi, je suis pas une mamie, mais je le dis. Bonne année. Effectivement, bonne année à tous. Ici à Fadjet, un coup d'œil dans le rétro. C'est la première de l'année. Nous sommes le vendredi 22 janvier 2016. Il est 5h précises. Bon début de soirée à tous. Alors, aujourd'hui, nous allons balayer plusieurs petites choses du monde rétro, notamment un coup d'œil sur Bill Withers, c'est ça ? Withers, comme on peut le dire. On va dire Withers. On va dire ça. Bill Withers. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre dans le sommaire du jour, Anaïk ? Alors, au sommaire donc, de cette première émission de l'année 2016, donc, on parlera effectivement d'un célèbre représentant de la musique soul. On abordera aussi la mode, avec notamment le retour des cuissardes qu'on voit un petit peu partout dans les boutiques. Et puis, on reviendra un petit peu, on fera une petite pause gourmandise avec les bonbons d'autrefois. Je pense qu'il y en a plein qui vont se reconnaître. Et puis, on parlera des sorties dans le coin, sur Nancy, puis un petit peu plus loin. Beau programme. Beau programme. Donc, on passe une petite demi-heure ensemble jusqu'à 17h30. Eh bien, on va commencer tout simplement tout de suite. Alors, on le disait juste avant, on va vous parler de Bill Withers. Bill Withers, qui est l'un des plus célèbres représentants de la musique soul. Pour ceux qui ne connaissent pas Bill Withers, ça peut être ça. Lovely Day. C'est aussi ça. Use Me, titre de 1972. Mais bien sûr, alors ça a été repris dans les années 2000, c'est aussi ça. Et un dernier titre que tout le monde connaît, qu'on écoutera juste à la fin, c'est... Voilà, voilà. Et celui-ci, on l'écoutera juste après le petit coup d'œil sur Bill Withers. Alors justement, on le disait, il est né en 1938, en juillet 1938, en Virginie-Occidentale. Et c'est un compositeur, un auteur, mais aussi un interprète américain qui fut actif de la fin des années 60 au milieu des années 80. À 17 ans, il s'engage dans la Navy, passe 9 ans, puis s'installe à Los Angeles en 1967. Il travaille le jour dans une usine Ford et joue la nuit dans des juke joints ou des juke joints, ou des juke joints pour ceux qui ne sont pas du tout anglais comme moi. Ce sont des baraques en bois, tout simplement, ou en béton, parfois épicerie, semaine où l'on écoute du blues et où les blancs ne sont pas les bienvenus. Hein. Oui, en général, c'est les établissements un peu dans les quartiers un peu ouais, black. Un petit peu chaud. Un petit peu chaud, voilà, où quand on est blanc, voilà, c'est un peu difficile. Un peu difficile d'y mettre les pieds, ouais. Effectivement, dans ces années 60. Et à ses débuts, donc, dans le monde de la musique, il a tout d'abord gardé son travail chez Ford, convaincu que le show business était imprévisible et qu'il n'était qu'un novice. Comparé à d'autres artistes noirs tels que The Temptation ou Sammy Davis Jr., Bill Withers enregistrera 9 albums hein, entre 71 et 85. Son premier succès fut avec le label Sussex Records en 1971, avec bien sûr son hit Ain't No Sunshine sur l'album Just As I Am, pardon, tout mon anglais toujours un petit peu approximatif. Son second album, Still Bill, fut également un succès commercial. Il contient le hit single Lean On Me, son album live Bill Withers Live at Carnegie Hall, encensé par les critiques, date de 1973. Alors, il interprétera avec des saxophonistes, notamment Jazz Grover Washington Jr. Ses chansons ont été très souvent reprises par de nombreux chanteurs comme Michael Jackson, Joe Cocker, des rappeurs comme Tupac, Jay-Z et dans beaucoup de publicités de films comme Bodyguard, aussi Jackie Brown ou Austin Power 2. Donc, ses titres sont très très connus, mais on n'en connaissait peut-être pas forcément eh bien, son auteur. Et on va s'écouter un de ses titres les plus connus, Ain't No Sunshine. C'est un titre de 1971. Tout le monde le connaît, bien évidemment. Et on se retrouve juste après ça, il est 17h05, vous êtes à l'écoute d'Un coup d'œil dans le rétro. Prenez le temps, c'est bientôt le week-end. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, and I know. Hey, I ought to leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, anytime she goes away, anytime she goes away, anytime she goes away. Bill Withers, Ain't No Sunshine sur Fadjet. Dans le rétro, une fois par mois de 17h à 17h30 sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Effectivement, c'est un artiste, moi, qui me... Tu vois là, il m'apaise. Moi, il me met dans de bonnes conditions. C'est vrai, c'est vraiment... c'est un album que je pense... Il faudrait qu'on essaye de le retrouver aussi en vinyle. J'aimerais bien trouver un vinyle de Bill Withers parce que je pense que ça peut être sympa un petit dimanche après-midi, peinard, au coin du feu parce qu'il fait froid, effectivement, ici. Et on va en profiter, justement, hein, dans notre émission Un coup d'œil dans le rétro. Chaque mois, eh bien aussi, nous faisons un tour du côté de la mode rétro et notamment, eh bien, une mode qui revient pour les femmes, c'est les cuissards. Alors, le retour des cuissardes, tu vas nous en dire un petit peu plus. Par qui ça a été lancé d'abord ? Alors, les cuissardes, effectivement, ça a été lancé en fait par Paco Rabanne et Pierre Cardin. Ça a fait un peu sa première apparition dans les années 60. Les stars comme Brigitte Bardot ou Jane Birkin l'ont porté. Dans les années 90, la cuissarde a traversé le temps en s'affichant sur les jambes de personnalités comme Sophie Marceau, Béatrice Dalle, pardon, ou Lio. Et c'est vrai que cette année, donc sur voilà, cet hiver 2016, la cuissarde fait son grand retour. Donc vous me direz, pour beaucoup, les cuissardes, c'est un peu difficile à porter. Souvent, ça nous donne un look un petit peu trop sexy ou trop provocante. Pour moi, en fait, elles apportent juste la touche d'élégance et le style rétro. Moi, je trouve que c'est quand même assez sympa pour un petit look rétro. Je pense qu'il suffit simplement de savoir choisir le bon modèle. Je conseillerais plutôt de prendre des cuissardes à plat de préférence ou avec un léger talon carré épais et pas trop haut. Et les bonnes associations pour éviter de sombrer dans le vulgaire et que ça fasse pas too much, en fait. Hein, parce qu'effectivement... Alors, il y a des astuces hein, quand même pour porter ces cuissardes. Alors oui, quelques astuces. Donc, tandis que certaines les préfèrent en cuir, d'autres optent pour la version en daim qui est aussi voilà, très à la mode pour cet hiver. Ou alors, il existe aussi des cuissardes en vinyle noir. Mais bon, là, il faut vraiment assumer, je pense. donc en ce moment, un peu difficile. Un peu compliqué. Ouais. La règle d'or, en fait, c'est de jamais les porter avec un pantalon. Je conseille juste de mettre un short. Alors évidemment, bon, là, il fait un peu froid. Une jupe ou une robe. On garde ses jambes nues pour dévoiler au maximum, en fait, les cuissardes. Parce que le but des cuissardes, en fait, c'est qu'elles soient, c'est qu'elles soient vues. Donc tout d'abord, vous pouvez opter pour des cuissardes donc plates, comme je le disais tout à l'heure, ou à semelles compensées. C'est assez tendance et c'est pas trop vulgaire. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, mettre un pull de taille XXL, un pull large. Pour un look glam chic, vous pouvez opter pour donc le pull bien large que vous pouvez ou pas agrémenter par exemple d'une ceinture. Cette tenue, je pense, ira parfaitement donc pour celles qui ont des petites rondeurs à cacher et ça mettra parfaitement vos jambes en valeur. Voilà, donc vous pouvez aussi, pourquoi pas, porter vos cuissards donc avec une robe trapèze. Robe trapèze, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors les robes trapèzes, on en a déjà parlé dans un coup d'œil dans le rétro. Parce petite robe courte en fait en forme de trapèze. Et d'accord. C'est aussi, voilà, je crois que c'était dans la mode aussi des années 70. Voilà, toujours ces fameuses époques. Alors, où en trouver de ces fameuses cuissardes ? Alors, comme je disais tout à l'heure, la cuissarde, en fait, on en voit un peu dans toutes les boutiques. Alors, je vais citer des marques, hein, oui. San Marina, Eram, Minelli. Il faut profiter des soldes, je pense, hein, pour... actuellement pour en acheter, parce qu'il faut dire que la cuissarde, elle couche, ça coûte un peu cher quand même. Hein, donc, d'accord. Voilà, pendant les soldes, vous pouvez... Donc il faut en profiter jusque mi-février. Là, voilà, c'est tout terminé. À fait. Et puis après, bah, évidemment, il y a sur le net aussi, où vous pouvez dégoter des modèles bien sympas. Et bien justement, on va s'écouter une petite musique, une jeune femme qui n'est plus jeune maintenant, mais qui a eu son succès. Et qui en a porté des cuissardes. Et qui en a porté des cuissardes. Dans cette chanson, dans ce clip dans en fait. Dans ce titre-là, ouais. Qui est Harley Davidson. J'ai nommé Brigitte Bardot, star incontestée, star française, la carrière énormissime. Brigitte Bardot, Harley Davidson. Vous êtes à l'écoute d'un coup d'œil dans le rétro. Personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. J'appuie sur le starter et voici que je quitte la terre. J'irai peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Et si je meurs demain, c'est que elle était mon destin. Je tiens bien moins à la vie qu'à mon terrible engin. Davidson. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 17h30 sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Alors effectivement, vous êtes à l'écoute d'un coup d'œil dans le rétro, notre mensuel. Hein, je le rappelle, c'est le troisième vendredi de chaque mois. Là, c'est la première de l'année. On vous souhaite encore une bonne année 2016. Et alors, on a aussi une page Facebook, un coup d'œil dans le rétro. Donc n'hésitez pas à nous mettre vos informations, vos événements. On reçoit des invités aussi. On va essayer d'en avoir un le mois prochain. Et donc... Vous nous faites la demande sur Facebook et puis nous, bah, on vous répondra. On essaye de vous répondre assez rapidement. On fait un petit coucou aussi à nos auditeurs chéris qui nous écoutent assez régulièrement. Il y a Stéphanie, il y a Sandra, il y a Daniel aussi qui nous écoute. Donc bah voilà, on espère que vous êtes nombreux. Alors n'hésitez pas justement toujours sur la page Facebook et bien nous le dire que vous nous écoutez parce que ça nous fait plaisir déjà. Et puis on peut vous faire une petite dédicace. On peut vous faire aussi écouter des anciens tubes si vous avez, si vous en avez envie. Et on est là pour ça. On est là pour du plaisir une fois par mois, le troisième vendredi de chaque mois de 17h à 17h30. Alors on va poursuivre justement la troisième partie. Et bien la troisième partie, là on va parler des gourmandises et notamment des bonbons d'autrefois. Pas d'autrefois, parce que c'est un peu le cas en ce moment, mais autrefois. Alors, parce que dans un coup d'œil dans le rétro, on pense que c'est toujours sympa de se rappeler de ces petites choses qu'on faisait quand on était enfant. On a d'ailleurs déjà parlé des jouets d'autrefois. On voulait aujourd'hui revenir sur les bonbons, les bonbecs. Alors les premiers bonbecs, ce sont lesquels ? Alors les premiers, il y en a plein. Oui, mais il y en a plein. Non, mais ceux dont on va parler aujourd'hui. Alors, on va parler notamment, par exemple, du roudoudou. Le roudoudou, hein, on pourrait croire que c'est un petit nounours, mais non, pas du tout. Alors, je ne sais pas si vous savez ou si vous vous souvenez voilà, de ce que c'était le roudoudou. Le roudoudou, en fait, il a connu son heure de gloire dans les années 50 et 70. Mais il faut savoir qu'il a encore produit et vendu donc, aujourd'hui. Le roudoudou, en fait, c'était, et c'est toujours, une confiserie en sucre cuit, parfumé, coulé dans une toute petite coquille, en fait, en plastique, en forme de coquillage. On l'appelle, on l'appelle le coquillage aujourd'hui, non ? J'ai l'impression qu'on l'appelle comme ça, non ? Non, ça s'appelle toujours roudoudou. Ça s'appelle toujours le roudoudou. Ah bon. Peut-être que certains l'appellent le coquillage, je ne sais pas du tout. En fait, à l'origine, le contenant en fait, était une petite boîte en bois de la forme en fait, d'une boîte à camembert miniature, au tout début. Ah bon ? Donc c'était un peu, peut-être l'impression, je ne sais pas, de lécher un camembert. Bah oui, c'est ça. Un peu spécial. Plus tard, en fait, il a été remplacé donc, par un véritable coquillage de praire. Je fais un petit coucou à Madame Mandy Natale. Un coquillage de praire, qu'est-ce que c'est ? Le praire, en fait, c'est un coquillage. Bah, c'est un coquillage bien spécifique. C'est un coquillage bien spécifique. D'accord. Ouais. Ça ressemble à la comment dire le coquillage, le comment on appelle ça ? Oh, je ne sais la plus. Coque. La coque. Oui, ça ressemble à ça, exactement. Ouais. Une praire farcie, par exemple, c'est très bon. Ah bon, bah d'accord. voilà, c'était idée de cuisine en fait pour ce week-end. Petit point culinaire pour le week-end. Voilà. Donc en fait, après, il a été remplacé donc par un contenant, donc je le disais tout à l'heure, en plastique qui représentait effectivement le coquillage. Donc on le déguste en léchant en fait tout simplement la confiserie, donc le sucre qui est collé à l'intérieur de la coquille. Et c'est ça un peu parce que c'est ludique et du coup t'as le coquillage dans les mains puis tu lèches oui. le coquillage jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien et jusqu'à ce que tu n'aies plus de salive non plus, hein, effectivement. Alors on va aussi parler de bonbons, de petits bonbons qu'on adore aujourd'hui et qui se vendent par milliers. J'ai nommé, pour ceux qui ne le connaissent pas, les Treats. Et les Bonitos, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que les Treats ? Qu'est-ce que c'est que les Bonitos ? Eh bien, c'est tout simplement, ce sont les ancêtres des M&M's, en France comme en Allemagne, en Angleterre et Italie. Les Treats et les Bonitos apparaissent en 1955 et ils resteront jusqu'en 1986, date à laquelle le groupe a décidé de changer les noms afin d'harmoniser sa communication au niveau mondial. Les Bonitos, qui étaient des bonbons sur lesquels des têtes de bonhomme tiraient la langue, d'autres clignaient de l'œil, deviennent aujourd'hui effectivement les M&M's en paquet marron. Donc on ne les connaît plus malheureusement, ces Treats et ces Bonitos. Mais bon, aujourd'hui aussi un paquet... donc les Treats, eux, deviennent les M&M's en paquet jaune. C'est oui, ça. Pour voilà. être précis, c'est ça. Et donc ils passent à cette occasion du marron monochrome au multicolore, mais en conservant le même slogan, le bonbon qui fond dans la bouche, mais pas dans la main, même s'ils font quand même dans la main. Oui, c'est vrai. On peut essayer, mais ils font dans la main. Malgré ces changements de nom et de packaging, le succès fut immédiat et les M&M's furent définitivement adoptés par les Français. Et hop, les Treats et les Bonitos au rancard. Et en fait, à l'époque, il y avait une pub en fait, sur ces bonbons-là avec un petit gamin qui s'appelait Léo, qui, je pense, depuis a bien grandi. C'est un peu comme le petit gamin qui faisait les pubs pour Kinder. Je ne sais pas si vous avez vu sa tête maintenant. Oui, bah, non, il est adulte, quoi. Oui, il est adulte. Bon, il doit plus certainement avoir la tête aussi sympathique quand il était petit. Non, alors, il y a aussi un autre bonbon, lequel ? Les soucoupes en poudre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un petit plaisir d'antan en fait, qu'on retrouvait avec des soucoupes. En fait, c'était garni en fait, de poudre de sucre un peu acidulé à l'intérieur. Ça piquait sur la langue. On mettait ça dans la bouche et en fait, ça pétait tout plein dans la bouche. C'est vrai. C'était assez rigolo. C'est vrai. Alors moi, je me rappelle, bon, qu'ils sont moins vieux, C'est oh là là, c'était des petits paquets. Bah c'est ça les non, c'est pas les soucoupes en boule, les petits paquets avec les boules, crépitait, non, ça crépitait sur la, ça crépitait sur la langue, c'était des petits je ne sais plus. Alors il y avait les, il y avait, c'est pas les têtes de mort qu'on appelait ça? Ah non, je ne sais plus. Alors n'hésitez pas à nous aider justement sur la page Facebook parce qu'on ne sait plus. Vous savez, c'était ces petits paquets aux années 90 qu'on achetait bien sûr en boulangerie et on les mettait dans la bouche et ça faisait plein de crépitements comme ça, et ça se transformait en chewing-gum, je crois. Oui, je me souviens. Donc n'hésitez pas à nous mettre le nom sur la page Facebook. Et il y a aussi bien le dernier, le Tubble Gum Tutti. C'est un chewing-gum en tube dans les années 80 au parfum de Tutti Frutti, présenté dans la pub de l'époque par un petit garçon nommé Léo. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ah bah je me suis trompée en fait. Tu vois, le Léo, en fait, c'était pour le bonbon là, je croyais. Pour le bonbon. Ouais, j'étais persuadée que tu vois, c'était pour les ancêtres des M&M's. Bon, bah alors Léo, non, il était aussi sur le Tubble Gum Tutti. Le Tubble, le chewing-gum gomme se présentait en tube et était de la marque Lutti, qui existe bien sûr encore aujourd'hui. Oui. On appuyait sur le tube pour faire sortir le bubblegum rose, c'était magnifique ça. Goût Tutti et donc pouvoir faire des plus grosses bulles. Bon, bien sûr, le goût du chewing-gum partait au bout de 5 secondes. C'est vrai. C'était des tout petits tubes et en fait, pendant la récré, les gamins, souvent, ils prenaient ça et puis ils faisaient des concours de bulles. Effectivement. Et du coup, ça faisait un gros chewing-gum parce que tu avais tendance à manger tout le tube. C'est vrai. Tu as tendance à manger tout le tube. Donc voilà pour le petit tour du côté des gourmandises et des bonbons d'autrefois. On espère que ça vous a rappelé quelques souvenirs. En parlant de Tutti Frutti, on en parlait juste là. Il y en a un qui l'a chanté. C'est Little Richard. Et on se retrouve juste après ça. C'est Tutti Frutti sur Fat Jet. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 17h30 sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Effectivement, c'était Little Richard, tout le monde connaît Tutti Frutti. Alors, on poursuit notre petite émission, c'est la dernière ligne droite avant la fin, elle est très très rapide hein, cette fois-ci, encore, malheureusement une demi-heure c'est très court. Donc peut-être l'année prochaine, on le dit à chaque fois, chaque année, parce que ça fait la troisième année qu'on le fait, on dit qu'on passera à une heure d'émission pour pouvoir recevoir pleinement des invités et bien discuter avec eux de leurs activités. D'ailleurs, au passage, je voudrais faire un petit coucou aussi à une revue, c'est Rétro Passion, c'est une revue automobile, on va essayer d'avoir notre... eh bien son rédacteur, je crois, si je ne m'abuse, si je ne m'avance pas, le mois prochain on va essayer justement de discuter avec lui sur le monde automobile, le monde ancien, les anciennes voitures, parce qu'effectivement ça passionne énormément de gens, les anciennes voitures. Donc on verra ça certainement le mois prochain. D'ailleurs, le prochain rendez-vous c'est quand, Anaïk? Alors, est-ce que tu le connais? Regardez sur mon agenda, je vous redis ça. On a un petit peu de temps, justement, parce qu'il n'y a pas que notre agenda. Il y a aussi les sorties ce mois-ci, le mois de janvier et le mois de février, début du mois de février. Il y en a, il y en a quelques-unes à faire. Alors, tout d'abord, à la fin du mois, il y a un événement qui est récurrent chaque année, mais cette année, il y a une particularité. Donc ce dimanche 31 janvier de 17h à 22h à l'hôtel de ville de Nancy, Cab Nomade et Burlesque Caravane avec Mitch Tornad, fête ses 5 ans. Donc il faut être toujours en tenue hein, d'époque, bien évidemment. Il faut se faire plaisir. Là, il faut jouer le jeu et se faire plaisir avec un grand bal populaire où une dizaine de musiciens et DJ vont tourner toute la soirée. Entrée gratuite. Ah là, ça, il faut le préciser parce que jusque-là, bah, c'était payant, effectivement, une vingtaine d'euros. Et cette fois-ci, comme c'est les 5 ans du Caravane Palace, Burlesque Caravane, eh bien, l'entrée est gratuite, mais par contre, il faut réserver sur cabnomade.com. Et j'espère qu'il reste des places parce que je crois que c'est, voilà, c'est un grand succès. Donc, dépêchez-vous vraiment si vous voulez. Le dimanche 31 janvier de 17h à 22h. Mais il y a aussi un autre événement le 31 janvier. Lequel? Alors, toujours donc, effectivement, le dimanche 31 janvier, de 13h à 18h, au salon de Justine, donc rue Saint-Julien à Nancy. Je vous propose d'aller voir donc, le showroom à mi-chemin entre le vide-dressing classique et la friperie qui est un peu plus pointue. Donc, au programme de ce showroom, donc, pour vous, mesdames, un large choix de vêtements, de chaussures, d'accessoires, de seconde main, étiquetés et triés donc, sur le volet, à la manière d'une boutique, avec en prime donc, les créations Jab et les créations Les Joseph. Donc pourquoi pas aller faire un petit tour pour dénicher quelques petites fringues. À partir aussi du 2 février, donc je vous invite à aller voir notre petite boutique qu'on aime bien, V comme Vintage. Faudrait qu'on la réinvite d'ailleurs. Oui, c'est vrai, ça fait longtemps. Mais très occupée, V comme Vintage. Elle est très occupée. Et donc notamment, donc elle sera donc à partir du 2 février donc à la boutique Helmut et Petula, donc au Passage Bleu à Nancy, qui reçoit pas mal d'artistes et d'artisans en fait locaux, des créateurs. Donc je vous invite à aller faire un petit tour et pourquoi pas dénicher des petits meubles des années 60 et 70. Le vendredi 5 février à 20h au Petit Gavroche à Nancy, concert du groupe Velvet Swing. Donc ça, c'est la musique. Samedi 13 février à 20h30 aussi à l'autre canal. Alors le concert, pour ceux qui peuvent avoir des places, effectivement, du groupe Caravane Palace. Justement, je le disais tout à l'heure, je me suis trompé entre Caravane Burlesque et Caravane Palace, c'est deux choses différentes. Et donc avec en première partie Alice Francis. Donc ça, c'est le samedi 13 février à l'autre canal. Il y a aussi notre Wilfried Danse qui propose ses animations. Oui, alors effectivement, donc on peut le retrouver demain, donc samedi 23 à la salle des fêtes donc de Jarville pour une soirée royale party, donc toute danse de 21h30 donc à 1h. Ce week-end encore toujours avec Oui, donc ça sera dimanche, un atelier donc à la MJC donc de Jarville avec des cours de salsa, de cha-cha inter et de salsa inter, donc c'est toujours des groupes et des niveaux différents. Aussi on peut le retrouver aussi Il a une sacrée actu De nombreuses fois donc au Classico, donc avec des soirées rock, l'indie hop et West Coast Swing, de 21h30 à 1h, donc, et la prochaine donc sera le vendredi 29 donc au Classico Bar à Nancy. Toujours notre petit donc aussi le dimanche 31, donc il y a pas mal d'actu en fait le dimanche 31, aux trois petits points donc à Nancy, vous avez un brunch à partir de 11h et ce jusqu'à 16h, avec une écoute musicale swing de 11h à midi, puis après s'enchaînera le brunch, et puis vous pourrez bouger vos gambettes en fait sur le pavé des trois petits points. Le dancing des trois petits points. Et on vous le disait tout à l'heure, notre émission, la prochaine, ce ne sera non pas le vendredi 19 février parce que c'est les vacances et nous sommes fermés ici à Fajet. Donc ce sera le vendredi 26 février. Donc exceptionnellement, le dernier vendredi de ce mois. D'accord. C'est vrai? C'est pas grave, faudra repousser d'une semaine. Non, mais c'est pas grave. Mais plus c'est long, plus c'est bon, puis on sera content de se retrouver. Ouais, effectivement, on sera content de se retrouver. Allez, et bien malheureusement, notre émission se termine. Oh non, quelle tristesse. Il est 17h28 quasiment. 30. On était très heureux de vous retrouver encore donc pour cette nouvelle année qui va être, j'espère, très enrichissante pour nous, pour vous, au niveau culturel, artistique. N'hésitez pas à danser, bouger. Voilà, le rétro est là aussi pour ça et on aime ça. Oui. Dernier mot pour toi, Anaïk. Alors moi, je voulais vous faire un gros bisou. Je voulais vous dire de passer un bon week-end. Et puis, à tout vite, quoi. Voilà, je vous embrasse. Allez, bon week-end. À bisous. Les programmes continuent sur Fadjet. Restez à l'écoute. À bientôt et au mois prochain. Ciao, ciao.